je faire, leur donner raison. Fatigué de presque tout, je devrais peut-être changer de destinée. Invisible je suis, absent et flou, ne plus être las, demeurer obstiné, demeurer obstiné.